Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Antigone, c'est la case du week-end qui démarre maintenant. 2 heures à passer ensemble jusqu'à midi et c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque week-end avec un très très beau programme comme d'habitude. Tout d'abord, l'horoscope arrive dans 4 minutes environ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on va parler économie, mais oui, dans une dizaine de minutes on va parler de l'Europe qui se reconfine et de la relance espérée en 2021 qui est peut-être compromise. Dominique Bayard nous dira si elle l'est ou pas, ou non, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, plein de choses. On va parler numérique, bien sûr. On va parler médias et dans la prochaine heure, nous allons parler du groupe M6 qui lance sa deuxième semaine Green. Je vous expliquerai tout. Et puis, dans le même temps, pour rester sur le domaine de l'écologie, nous verrons que TF1 va réutiliser sa marque emblème Ushuaïa pour créer une nouvelle émission pour le climat. Je vous explique tout dans les actus des médias qui arrivent aux alentours de 10h51. Un très beau programme pour 7h, très beau programme également musical, puisque dans 10 minutes, nous allons écouter Shade avec No Other Way. Juste avant 10h30, non, c'est juste après 10h30, pardon, là, qu'est-ce que je dis comme bêtise, Run DMC. Et puis le premier classique de la case du week-end, le grand titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Juste avant 11h, il y aura Joan Jett and the Black Earth avec I Love Rock'n'Roll. De quoi bien se réveiller si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes en train de boire votre café, de manger, de prendre votre petit déjeuner. Bon appétit à vous, faites-vous plaisir, c'est un très bon repas le petit déjeuner. Dans quelques instants, l'éphéméride, juste après Jamiroquai, voici Little L. We'll be right back. Vertigone, Djabo Rikai avec Little L à l'instant. 10h16, voici l'horoscope. Je bouge le mauvais bouton. Bien sûr. Et l'horoscope. Nous commençons avec les béliers, argent, journée favorable à la finance pour vous les béliers, mais ne soyez pas trop sûrs de vos analyses. Si vous faites des investissements ou si la spéculation vous attire, vous aurez intérêt à tenir compte de l'avis des experts. Les taureaux, vous êtes dotés d'une grande résistance à la fatigue et à l'effort, mais tout de même votre corps a ses limites, ne l'oubliez pas. Les gémeaux, vous serez d'humeur romantique et vous rêverez d'un amour parfait et fusionnel. En même temps, vous serez plus sensible que d'habitude à la solitude. Les célibataires, vous supporterez mal votre condition. Les cancers, niveau vie sociale, n'insistez pas toujours pour avoir raison et méfiez-vous de l'esprit de contradiction systématique, sans quoi vous risquez de provoquer l'hostilité générale et vous finirez par vous mettre tout le monde à dos. Les lions, de petits problèmes en famille pourraient survenir, surtout si un contentieux ancien vous oppose à certains membres de votre famille. Les vierges, il est évident que certaines transactions financières demandent beaucoup de patience et longue préparation. Si vous allez trop vite en besogne, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Les balances, au niveau amour, vos petites difficultés seront résolues, les malentendus entre votre partenaire et vous seront rapidement dissipés et votre ciel amoureux redeviendra ensoleillé. Les scorpions, jour de chance, une rentrée surprise d'argent est possible, un petit gain en jeu ou encore une prime quelconque est possible. Les sagittaires, si vous êtes fatigué, vous serez sensible aux infections, gare également au risque de déminéralisation. Les capricornes, eh bien, votre sens de la créativité sera accentué, vous ne pourrez laisser passer cette occasion en or, déployez au maximum votre activité, les résultats seront à la mesure de l'effort fourni. Les Verseaux, attention à ne pas peur, à ne pas prendre dans un moment d'euphorie des engagements que vous aurez ensuite beaucoup de mal à tenir. Évitez notamment les emprunts trop lourds, si c'est niveau argent, qui pourraient déséquilibrer rapidement votre budget. Et puis les Poissons, vous aurez tout intérêt à maîtriser vos émotions et à faire un effort d'objectivité afin de ne pas commettre d'erreurs de jugement vis-à-vis de l'autre. Les célibataires, les configurations en cours peuvent se révéler un peu dangereuses. Vous serez d'humeur à parer celui ou celle qui vous fait vibrer de toutes sortes de qualités imaginaires. Le risque de déception sera grand. Tâchez d'être lucide. Voilà pour votre éphéméride. Bonne journée à tous. Le titre actuel. C'est l'heure de s'écouter un titre tout récent, un titre diffusé sur toutes les radios. Voici Shade avec No Other Way sur Radio Antigone. Crashed a car with you. Should have split in two. But that evil tree couldn't take it from me. c'était Shade avec Another Way à l'instant sur Radio Antigone. Il est 10h22, nous allons parler d'économie tout de suite. Aujourd'hui, l'économie. Et avec la nouvelle vague de la pandémie et l'essor foudroyant des variants du Covid, l'Europe se reconfine. Dominique Bayard, bonjour, vous êtes de la rédaction économique de RFI. Est-ce que la relance espérée en 2021 est compromise ? Alors c'est au Royaume-Uni que la paralysie est la plus forte. L'Écosse, l'Angleterre sont totalement figées. C'est là aussi où la contagion a redoublé avec cette mutation du virus. La santé prime toujours sur l'économie, ou plutôt les deux restent intrinsèquement liés. Difficile d'envisager la relance quand les hôpitaux sont débordés. Mais ces reconfinements incessants, le troisième en l'état, c'est précisément ce qui fragilise la reprise. Des stop and go néfastes pour la disponibilité, la confiance des consommateurs et des investisseurs. Et l'Allemagne, qui avait bien endigué la première vague, a décidé de prolonger ses restrictions jusqu'à fin janvier. Oui, l'Italie prolonge aussi un régime sévère. Pas possible de voir plus d'un ami par jour de l'autre côté des Alpes. Le Danemark vient de durcir ses mesures de prévention. La Pologne a opté pour un confinement strict au lendemain de Noël. La Grèce a mis en place un bref confinement total jusqu'à lundi. Et puis en France, plusieurs régions sont soumises à un couvre-feu précoce. Les restaurants de l'ensemble du territoire sont prévenus. Ils resteront sans doute fermés au-delà du 20 janvier. On en saura plus d'ici demain. Est-ce qu'on peut déjà évaluer l'impact de ces reconfinements sur l'économie ? Eh bien, au Royaume-Uni, ce troisième confinement prévu pour durer 6 semaines, ce sera peut-être plus, on verra, fera replonger l'économie en récession. C'est inévitable, on parle d'une baisse potentielle du PIB de 10% sur un mois. La fermeture des écoles, qui représente un apport conséquent au revenu national et qui permet aux parents d'aller travailler, c'est un nouveau coup de massue pour une économie déjà fort mal en point. Avec la plus mauvaise contre-performance de la classe européenne, son PIB a reculé de 11,3% en 2020, d'après les derniers chiffres disponibles. Les entreprises britanniques subissent un double choc, celui du Brexit plus celui de la fermeture. Le ministre des Finances leur a déjà promis des aides conséquentes de 5 milliards d'euros, déjà jugées insuffisantes. La perspective d'un retour à la normale s'éloigne un peu plus pour les Britanniques. Il faudra au moins 2 ans pour sortir du marasme, à condition bien sûr que la pandémie soit enfin sous contrôle dans les toutes prochaines semaines. Et l'Allemagne pensait récupérer dès cette année. Ce scénario est-il encore plausible, Dominique ? Alors les 5% de croissance escomptés de l'autre côté du Rhin ne sont plus d'actualité, ce sera plutôt autour de 3 ou 4% et le rebond attendu au premier trimestre est déjà reporté au printemps par les prévisionnistes allemands. Néanmoins, l'Allemagne conserve le même objectif, elle devrait être en mesure de surmonter la crise économique dès cette année, à condition que son reconfinement ne s'éternise pas en février et à condition que la vaccination soit réalisée dans les temps, un sujet très sensible en Allemagne. En France, où la pandémie semble aujourd'hui mieux contrôlée, c'est aussi la lenteur de la vaccination qui préoccupe les économistes. Le gouvernement a rectifié le tir. Il promet d'accélérer la cadence des injections. Il faut vacciner 26 millions de Français pour parvenir à l'immunité collective, un objectif qui prendra 6 mois. Le temps presse, car chaque semaine de confinement ou de couvre-feu coûte 10% du PIB français. Parvenir avant l'été à l'immunité, c'est sur ce pari que repose la promesse de Bercy, un rebond de 6% dès cette année. Merci beaucoup Dominique Bayard, nous continuerons à suivre cela, notamment avec vous dans la case du week-end et lors des autres tranches bien sûr de Radio Antigone. Merci à vous, dans une heure nous parlerons maïs puisque l'ascension de son cours se poursuit. Ce sera la chronique des matières premières de Claire Fagès que nous retrouverons donc. Dans 4 minutes tout pile, nous allons retrouver un nouveau point sur l'actualité avec le flash de la rédaction. Il y aura également un point sur la météo et puis juste après on aura les actus du numérique, les actus des médias, un petit éphéméride, mais oui, pour savoir un petit peu ce qui s'est déroulé, notamment un 10 janvier, les anniversaires, les saints du jour, et puis peut-être un petit conseil jardinage, ouais, si j'ai envie de vous faire un petit conseil jardinage, on verra tout cela. Bienvenue sur Radio Antigone, voici tout de suite Dire Straits, Money for Nothing sur la radio Avif. Thank you. that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Money for Nothing sur Radio Antigone, en plein cœur de la case du week-end. Radio Antigone. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone. La case du week-end se poursuit. Il est 10h30. Radio Antigone. La radio à vif. 10h30, l'heure de faire un nouveau point sur toute l'actualité de ce dimanche 10 janvier 2021. Et c'est avec la rédaction. Bonjour. Non, ça va arriver. Bonjour à tous. Au final, peu de choses auront été faites pendant ce quinquennat. Ce sont les mots de Gérard Larcher, le président du Sénat. S'est dit sceptique au sujet de l'intégration dans la Constitution de l'enjeu climatique et même hostile à la proportionnelle aux législatives. Vaccination, le gouvernement n'intègre pas du tout la question logistique. C'est ce qu'a indiqué Anne Hidalgo dans un entretien au journal du dimanche. La maire de Paris dit ne pas comprendre le retard à l'allumage du gouvernement. Covid-19, au Danemark, les manifestations contre les restrictions ont dégénéré hier. Depuis mercredi, les réunions de plus de 5 personnes sont interdites dans le pays et la distanciation sociale est de 2 mètres. Une manifestation a eu lieu hier à Copenhague, des affrontements ont éclaté et 9 personnes ont été interpellées. Crash d'avion, des débris du Boeing 737 ont été retrouvés en mer de Java. L'avion s'est abîmé hier en mer avec 62 personnes à son bord. Des morceaux de corps ont également été retrouvés. Les secours et l'armée sont déployés sur place. Au Pakistan, une panne d'électricité plonge le pays dans le noir. Toutes les grandes villes ont été impactées par cette panne. Le courant a été progressivement rétabli ce dimanche. Cette panne a été causée par un dysfonctionnement qui s'est produit dans le sud du pays, selon le ministre de l'écologie. Météo, un réchauffement stratosphérique soudain pourrait entraîner une vague de froid sur l'Europe cet hiver. En Arctique, une hausse de la température de 50 degrés a été enregistrée dans la stratosphère mardi dernier. Ce phénomène est connu des météorologues et arrive parfois. Ce pic de chaleur pourrait avoir des conséquences sur le mercure de tout l'hémisphère nord dans les semaines à venir. Réseaux sociaux Google, Facebook et Amazon bloquent le réseau conservateur Parler. Amazon a coupé les ponts avec le réseau aujourd'hui et dit avoir observé la montée et la persistance de contenus violents. Merci beaucoup à la rédaction que l'on retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Voici la météo, bonjour. La météo de ce dimanche 10 janvier, bien un soleil plutôt généreux malgré quelques voiles nuageux, voire même du brouillard aux premières heures de la journée au nord du pays. L'après-midi, le soleil sera toujours d'actualité, quelques nuages bien accrochés tout de même, mais rien de méchant. Au mercure le matin pour les minimales entre moins 4 et 3 degrés. Au meilleur de la journée, 4 degrés en Bourgogne-Franche-Comté, 6 degrés en Bretagne, 9 degrés pour la région PACA ou encore jusqu'à 10 degrés en Corse. Merci beaucoup. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci beaucoup d'être sur Radio Antigone. 10h33, presque 34, voilà, déjà 30 minutes de passer ensemble. On en a encore 3 fois 30 minutes. 1h30 encore d'émission avec les actus du numérique qui arrivent dans quelques minutes. Nous allons aussi faire un point sur l'éphéméride. Oui, l'éphéméride arrive, ce sera aux alentours de 10h45 et nous allons parler médias avant 11h avec M6 qui lance une deuxième semaine green, une semaine pour l'environnement. Elle se tiendra du 24 au 31 janvier sur tous ses canaux, sur RTL aussi, puisque je rappelle que les radios du groupe RTL font partie eh bien, du groupe M6. Tout est en quelque sorte lié. Vous verrez, je vous expliquerai ce que prévoit M6 pour ses chaînes avec cette semaine green. C'est aux alentours donc de 10h51, juste avant 11h. Et juste avant 11h également, eh bien, on aura un petit classique musical avec I Love Rock'n'Roll. Ça, c'est Joan Jett and the Black Earth à suivre aussi dans ces 30 prochaines minutes de Autopno. Harris avec Dying For You, ça arrive dans quelques minutes sur Radio Antigone. Voici Run DMC pour l'heure. I think it's very vital to rock around, that's right, on top. It's tricky, it's so tight, here we go. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky, it's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. This little girlie, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out, I had to leave real early. These girls are really sleazy, all they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. How is it, baby? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity cause we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. How is it, G? Tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. I'm a star, always tearing what I'm wearing. I think they're going too far. even bother my poor father, cause he's down with me. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme that's right on time. It's tricky. How is that? Tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock a rhyme, to rock a rhyme. Run DMC, it's tricky, c'est ce que nous venons d'écouter sur Radio Antigone dans la case du week-end. 10h38, voici les actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Allons du côté des jeux vidéo et partons plus précisément du côté. Oui, ça fait beaucoup de côtés. Oui, mais là, on est au côté du côté dans cette émission pour les actus du numérique. Partons vers Microsoft et qui a donc sa marque Xbox pour, j'allais dire du côté encore des jeux vidéo, mais non, pour les jeux vidéo. Et le saviez-vous, c'est le site Bloomberg qui nous l'a révélé cette semaine. Eh bien, Microsoft avait tenté de racheter Nintendo pour lancer sa Xbox. Oui, oui, oui. C'est Kevin Bachus qui est revenu avec le site Bloomberg sur cette idée. Kevin Bachus est le responsable des relations avec les éditeurs de jeux et le projet était de faire venir Nintendo vers la Xbox. Alors l'idée donc de lancer la Xbox était dans les têtes et pour lancer ce projet, Microsoft avait approché plusieurs sociétés en vue d'une acquisition, notamment donc Nintendo. Ça s'est pas très bien passé hein, du côté de ce rendez-vous, puisque pour la petite anecdote, et c'est ça qui fait justement le gros de cette information, eh bien du côté de Nintendo, on aura ri au nez pendant une heure, voilà tout simplement. Alors pas forcément par méchanceté, mais en tout cas la proposition leur paraissait pas très sérieuse, en tout cas pour eux. C'était en janvier 2000 hein, juste avant le lancement de la Xbox, et oui c'est quelqu'un vraiment l'interlocuteur de Nintendo en face de Microsoft leur a ri pendant plus d'une heure pendant le rendez-vous. Le partenariat n'a donc jamais abouti, on l'a bien vu hein. Nintendo est encore tout seul et sort petit à petit encore des consoles. Depuis, eh bien Microsoft a sorti d'autres consoles avec la Xbox 360 en 2006, la Xbox One et puis les nouvelles Xbox de cette année et de l'année dernière, surtout de fin 2020. Donc pas d'acquisition du côté de Microsoft pour Nintendo, mais en tout cas, c'est arrivé et la réunion était drôle en tout cas hein. Était drôle du côté de Nintendo qui a donc rayonné de Microsoft pendant une heure, pendant toute la réunion. Qu'est-ce qui vous attend du côté des consoles cette année? Des exclusivités de la part de Sony pour la PS5, voilà, avec des jeux en exclusivité. Nintendo prépare également du lourd avec de nouveaux jeux bien sûr, peut-être, et peut-être une Nintendo Switch qui serait capable d'importer une définition d'affichage jusqu'en 4K en ultra haute définition. Nous verrons cela dans les prochains mois, et tandis que Microsoft pour 2020 mise toujours sur son Xbox Game Pass qui permet d'avoir accès à un grand catalogue de jeux en payant un abonnement. Voilà donc pour cette petite anecdote avec Xbox et Microsoft, avec Microsoft et Nintendo pardon, et c'est ce qui vous attend très rapidement pour l'année 2021 du côté du gaming. On en reparlera très certainement de façon plus longue, plus aboutie une prochaine fois. Il est 10h41, voici un titre tout frais, tout neuf. Le titre actuel. Avant votre éphéméride qui arrive dans quelques instants, voici Otokno, Lindsey Sterling et Alex Harris, Dying for You. Somebody told me you had given up on your smile. That must mean you've been pretending now for a while. To me you don't have to keep hiding away who you are. Remember how we said together we would go far. Summer nights. be dying for you, dying for you. When all you have is doubt, know that I'm around. I will be dying for you, dying for you. So when you're down and out from your troubled life, I will be dying for you, dying for you. When all you have is doubt, know that I'm around. I will be dying for you, dying for you. Your troubled life, I will be dying for you, dying for you. When all you have is doubt, know that I'm around. I will be dying for you, dying for you. So when you're down and out from your troubled life, I will be dying for you, dying for you. When all you have is doubt, know that I'm around. I will be dying for you, dying for you. For you, Otokno, l'INSEE, l'INSEE, eh ben mince, je n'ai pas le nom qui se raffiche, mince, le nom est caché, c'était, eh bien, Otokno et Alex Harris, à l'instant, sur Radio Antigone. C'était un titre actuel, un titre tout nouveau, diffusé actuellement sur de nombreuses radios. Voici votre éphéméride. L'éphéméride. Nous sommes le dimanche 10 janvier 2021. Bonne fête au Guillaume. Niveau anniversaire de personnalité, eh bien, je n'ai pas trouvé grand monde. Hein. Vraiment, oui, il y a beaucoup de personnes de personnalités qui sont nées, mais je n'en connais aucune. Voilà, c'est pas forcément les noms qui sont les plus communs. J'ai pas trouvé grand monde. Alors, en acteur, on a quand même selon notre fameux site halluciné que tout le monde connaît tous, qui est né, on a Finnegan Oldfield, qui a aujourd'hui 30 ans et qui est donc né un 10 janvier. Même les films, je vais vous dire, je ne les connais pas. Voilà. Donc je n'ai vraiment pas trouvé grand monde niveau anniversaire. Oui, ça fait 2 jours là, il y a vraiment rien. Voilà, je ne sais pas où sont nées les personnalités, visiblement. Je n'en trouve pas. Que peut-on dire par contre, tout de même, par rapport à ce 10 janvier, déjà que c'est un 10 janvier que la première ligne de métro du monde à Londres a été inaugurée. Elle reliait Farringdon Street à Bishop Road de Paddington. C'était en 1863. Que peut-on dire d'autre ? Eh bien, c'est un 10 janvier que le premier Tintin a été publié. Il s'agissait de Tintin aux pays soviétiques et c'était dans le journal catholique belge Le Petit 20e en 1929. Voilà, l'entrée en scène donc de Tintin et Milou, qui deviendra une célébrité planétaire après. Voilà, et c'est le dessinateur, on le rappelle, qui est belge, Georges Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, qui est donc le dessinateur, l'auteur de ces beaux albums qu'on peut lire à tout âge. Voilà, ça fait toujours plaisir de relire des Tintins. Autre événement qui se sont déroulés un 10 janvier, alors que peut-on dire, qu'est-ce qu'on a, eh bien, on a la première assemblée générale de l'ONU encore une fois à Londres. Et bah oui, comme quoi Londres est à l'honneur aujourd'hui dans la case du week-end. C'était en 1946, le 10 janvier 1946, la première assemblée générale de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies à Londres. Et puis, petit hommage également à David Bowie qui est mort un 10 janvier. C'était en 2016, dont nous avons d'ailleurs diffusé un titre hier sur Radio Antigone. Voilà pour votre éphéméride et bon anniversaire si vous êtes né un 10 janvier. Bonne journée à tous, bon dimanche à l'écoute de Radio Antigone. Le classique de la case du week-end. Ah, voilà un titre qui va vous réveiller, un titre que vous avez, j'en suis sûr, déjà entendu au moins une fois dans votre vie. C'est le principe du classique de la case du week-end. Voici John Jett and the Black Earth, I Love Rock and Roll, sur Radio Antigone. La case des médias dans quelques instants. Been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Les actus des médias. Vous êtes sur Radio Antigone, pardon, 10h51. Nous venons d'écouter Joan Jett et les Black Earth avec I Love Rock and Roll. Et nous parlons donc médias et nous partons du côté du groupe privé M6 qui lance sa deuxième semaine green, la deuxième année de son événement, la semaine green. Le principe est très simple, hein. Le but est de sensibiliser, interpeller et éclairer les citoyens sur les problématiques écologiques. Pardon, oulala, qui façonne la vie et la société. M6 souhaite donc à sa façon faire tout cela. Et donc du 26 janvier au 2 février, eh bien les antennes du groupe M6, je voudrais juste être sûr que là j'ai pas le texte de l'année dernière, parce que c'est fort probable en fait, ce qui serait un très très gros problème. Je vais quand même vérifier. Oh là là, ça ne va plus. Si, je crois que j'ai le mauvais. Non, c'est bon. Oui, j'ai le mauvais. Je vous confirme que j'ai le mauvais. Mais dis donc, ça ne va plus. En fait, là, j'ai le dossier presse. de l'année dernière. Et j'ai donc préparé avec le dossier presse de l'année dernière, puisque je ne suis pas très très intelligent. Donc si vous me laissez 3 secondes, je vous propose que eh bien ça revienne dans quelques instants. Vous allez voir, ça va le faire, on va y arriver. Voici un petit jingle pour patienter, parce que j'ai envie eh bien de me faire plaisir. Donc voici un petit jingle et nous arrivons dans quelques instants, le temps peut-être de réussir à lancer ça. J'arrive dans quelques instants sur Radio Antigone, bien sûr. Voilà, c'est parti. Je suis là, le retour, eh bien, de notre case des médias, puisque, eh bien, c'est bien sûr l'heure de la case des médias, des actus des médias. Bah, vous savez quoi, en fait? Je vous explique, là, l'émission est totalement en pause. Ça fait des mois que j'ai un vieux jingle et qu'il y a la case des médias. Or, la chronique s'appelle les actus des médias. Eh bien, petit à petit, je me suis habitué et je l'appelle maintenant la case des médias, juste, bien sûr, au moment où, eh bien, j'ai fait un nouveau jingle. Voilà, avec les actus des médias dedans, vous allez pouvoir le réécouter. Radio Antigone. Les actus des médias. Et nous partons du côté d'M6 qui se met au vert et qui réitère sa semaine green. Elle se déroulera du 24 au 31 janvier. Le but est bien sûr de proposer des programmes qui permettent de sensibiliser la population à l'écologie et à l'environnement. Le groupe M6 vous proposera donc 60 heures de programmes d'information, de magazines, de cinéma ou encore de divertissement en lien avec l'écologie et l'environnement. Du 24 au 31 janvier, donc, avec de nombreux programmes, notamment le film Choc de Yann Arthus-Bertrand en exclusivité sur M6. Il s'agira de Legacy, notre héritage, qui sera donc diffusé en prime time sur M6. Bien sûr, je n'ai pas la date. Il sera diffusé le 26 janvier, le mardi 26 janvier en prime time à 21h05. Un film tout récent réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Juste après ce film, eh bien, il y aura les solutions, Legacy, les solutions. Ce sera Ophélie Meunier qui vous proposera magazine avec de grandes questions entourées de ses invités, notamment du réalisateur Yann Arthus-Bertrand. Ophélie Meunier reviendra sur les grands enjeux écologiques qui nous attendent, comment conjurer les scénarios catastrophes annoncés, comment limiter durablement le réchauffement de la planète. Les personnalités et les experts engagés dans l'environnement aborderont des solutions concrètes qui permettent d'agir pour la planète. Autre programme qui se met également au vert, et cette fois c'est un programme qui se met vraiment au vert, comme tous les autres programmes du groupe M6, Turbo se mettra donc au vert, oui, ça fait beaucoup de se mettra au vert, avec une émission spéciale voiture électrique le dimanche 24 janvier à 11h20, avec de nombreuses questions, hein, les voitures électriques sont-elles écologiques, par exemple, quel carburant vert choisir? Quels sont les efforts des constructeurs pour limiter l'empreinte carbone dans la fabrication des automobiles? Telles sont les questions qui seront évoquées dans cette émission spéciale de Turbo le dimanche 24 janvier à 11h20. E égale M6 sera également consacré à l'écologie. On parlera de coton lavable, de pommes, de papier recyclé, moins gaspillé sans effort, c'est possible grâce à la science. L'émission sera diffusée le dimanche 24 janvier à 20h25 et toujours présentée par Marc Mac. Lex Guy, bien sûr. 66 minutes, le magazine d'information de la rédaction d'M6 sera également consacré à l'écologie. On ira en Norvège le dimanche 24 janvier à 17h30. Norvège, la ville témoin. Longyearbyen, la ville la plus au nord de la planète, qui est située dans l'archipel de Svalbard, en Norvège, juste à côté du Groenland. Un lieu d'escale pour des touristes en quête d'authenticité, de nature et de dépaysement. Mais c'est surtout la ville où le réchauffement climatique est le plus visible sur la planète. L'été dernier, sachez que 200 rennes sont morts de faim car la flore change très rapidement. Quant aux glaciers, ils perdent quand même 60 à 70 cm par an. L'équipe de 66 minutes est allé là-bas. Zone Interdite sera également en édition spéciale le dimanche 24 janvier à 21h05. Le sujet, une maison écolo et moderne, ces Français ont rêvé, ils la construisent en famille. Juste après, il y aura Enquête Exclusive qui sera consacrée au Costa Rica, un paradis vert en sursis. Et puis d'autres programmes hein, avec Scène de Ménage qui sera qui vous proposera des sketchs inédits et spéciaux. Voilà, une spéciale écologie pour Scène de Ménage du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier. La série préférée des Français se mettra donc également au vert avec tous les couples qui se chamailleront, notamment à propos du gaspillage. Voilà, le vert va jusqu'au bout sur M6. Les rendez-vous d'information, le 12-45 et le 19-45, proposeront quant à eux des reportages au plus près de chacun sur le thème de l'écologie et des invités exceptionnels tels qu'une nouvelle fois que Yann Arthus Bertrand viendront témoigner de l'enjeu écologique. Du côté de W9, eh bien vous aurez aussi des programmes spéciaux, puisque W9 va également s'engager en faveur de l'écologie avec de nouveaux programmes dédiés. Un numéro de la collection 2050 consacré aux déchets et leurs conséquences environnementales seront prévus. Une grande soirée musicale avec des artistes français et internationaux venus donner de la voix sur des chansons engagées et engageantes. Il y aura également du cinéma, avec notamment des terribles catastrophes naturelles et des divertissements. M6 va donc se mobiliser de différentes façons. W9, pardon, va également se mobiliser de différentes façons. Diffusion du film The Impossible. Il y aura aussi la série documentaire en 3 épisodes de Super Danger et le film Deep Water. Nous irons, le film raconte l'histoire d'un électricien, Michael Williams, dans le golfe du Mexique. Et avec une mauvaise manœuvre technique, un effroyable accident se produit. Et donc les deux magazines 2050, Climat, peut-on encore éviter le pire, le 27 janvier à 21h05 et juste après à 23h10, un autre épisode est Déchets, cette fois peut-on éviter le pire. Voilà, sachez que les stars chantent la planète dont je vous ai parlé tout à l'heure, présenté par Jérôme Anthony, ça sera le 30 janvier à 1h du matin. Sur Sister, eh bien vous aurez aussi des programmes spéciaux avec la rediffusion du film Le Grand Bleu et inédit, une série documentaire en 3 épisodes Face aux éléments le 24 janvier à 23h10. Voilà pour une grande partie des programmes que M6 va vous proposer lors de cette semaine green. J'ai pas le temps de tout vous parler en fait. Je me rends compte que c'est passé très vite avec cette petite erreur. J'avais le DP de l'année dernière. Oui, j'avais le dossier presse de l'année dernière. J'ai réussi à faire ça. Vous vous rendez compte, j'ai préparé l'émission et j'ai réussi à faire ça. J'ai tout préparé avec l'ancien dossier presse. Voilà. D'autres programmes seront également consacrés à l'écologie et à l'environnement. Encore sur M6, W9, M6 j'ai tout fait, W9 ou même Teva, voilà, qui va vous proposer des programmes spéciaux. Et sachez également que la plateforme de replay et de live vidéo, la plateforme numérique du groupe M6 Sisplay, proposera également du contenu inédit exclusivement sur le web avec deux grands films documentaires. Voilà pour ces actus des médias. Vous êtes sur Radio Antigone, c'est la case du week-end qui continue pendant encore une heure. Et non. Radio Antigone. Bienvenue sur Radio Antigone. L'archive pub dans quelques instants. 11h01. Radio Antigone. La radio à vif. Pour l'instant, voici un nouveau point sur l'information avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Au final, peu de choses auront été faites pendant ce quinquennat. Ce sont les mots de Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est dit sceptique au sujet de l'intégration dans la Constitution de l'enjeu climatique et même hostile à la proportionnelle aux législatives. Vaccination, le gouvernement n'intègre pas du tout la question logistique. C'est ce qu'a indiqué Anne Hidalgo dans un entretien au journal du dimanche. La maire de Paris dit ne pas comprendre le retard à l'allumage du gouvernement. Covid-19, au Danemark, les manifestations contre les restrictions ont dégénéré hier. Depuis mercredi, les réunions de plus de 5 personnes sont interdites dans le pays et la distanciation sociale est de 2 mètres. Une manifestation a eu lieu hier à Copenhague, des affrontements ont éclaté et 9 personnes ont été interpellées. Crash d'avion, des débris du Boeing 737 ont été retrouvés en mer de Java. L'avion s'est abîmé hier en mer avec 62 personnes à son bord. Des morceaux de corps ont également été retrouvés. Les secours et l'armée sont déployés sur place. Au Pakistan, une panne d'électricité plonge le pays dans le noir. Toutes les grandes villes ont été impactées par cette panne. Le courant a été progressivement rétabli ce dimanche. Cette panne a été causée par un dysfonctionnement qui s'est produit dans le sud du pays, selon le ministre de l'Écologie. Météo, un réchauffement stratosphérique soudain pourrait entraîner une vague de froid sur l'Europe cet hiver. En Arctique, une hausse de la température de 50 degrés a été enregistrée dans la stratosphère mardi dernier. Ce phénomène est connu des météorologues et arrive parfois. Ce pic de chaleur pourrait avoir des conséquences sur le mercure de tout l'hémisphère nord dans les semaines à venir. Réseaux sociaux, Google, Facebook et Amazon bloquent le réseau conservateur Parler. Amazon a coupé les ponts avec le réseau aujourd'hui et dit avoir observé la montée et la persistance de contenus violents. Voilà pour ce point sur l'actualité. Un nouveau flash arrive tout à l'heure à 11h30. Pour l'heure, voici la météo. La météo de ce dimanche 10 janvier, bien soleil plutôt généreux malgré quelques voiles nuageux, voire même du brouillard aux premières heures de la journée au nord du pays. L'après-midi, le soleil sera toujours d'actualité. Quelques nuages bien accrochés tout de même, mais rien de méchant. Au mercure le matin pour les minimales, entre moins 4 et 3 degrés. Au meilleur de la journée, 4 degrés en Bourgogne-Franche-Comté, 6 degrés en Bretagne, 9 degrés pour la région PACA ou encore jusqu'à 10 degrés en Corse. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. La case du week-end continue encore pendant une heure avec l'archive pub, une ancienne publicité que nous réécoutons à qui en guise de nostalgie dans un instant. Le Musicator 2000, une découverte musicale. Nous voyagerons dans le monde et nous irons en direct sur une radio du monde entier pour découvrir la musique actuellement diffusée. Le programme télé pour savoir ce que vous réserve la télévision ce soir. Et nous parlerons maïs. Oui, parce qu'on a le droit de parler de matières premières. On va parler de maïs. Dans aujourd'hui l'économie, on va parler donc économie. Oui, vous l'avez compris, puisque la chronique s'appelle aujourd'hui l'économie. Est-ce que je suis lourd? Je le sais. Est-ce que je radote? Oui, je le sais aussi, mais n'hésitez pas à me le rappeler, bien sûr. N'hésitez pas à m'apprendre à parler aussi pour que j'arrête de couper mes phrases en plein milieu. Voilà, 11h05 sur Radio Antigone. Les actus numériques seront également là dans 30 minutes. De nouvelles actus des médias également avec des nouveautés sur France Info, Canal 27, sur France Info TV. Donc, nous irons voir cela tout à l'heure. Niveau musique, eh bien voici ce qui vous attend. Foster the People, par exemple. Je vous propose aussi le dernier Jason Derulo avec Love Not War. Et puis un petit club musical, ouais, si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'il y aura? Ah bah il y aura la chère Irène Cara qui arrive, mais oui. Alors, c'est pas le bon extrait. Ça c'est I Got You, Ziba. Que nous écouterons aussi. Et donc, nous écouterons, je vous l'ai dit, un nouveau classique avec Irène Cara. Dans quelques minutes sur Radio Antigone. L'archive pub. Pour l'instant, c'est donc l'heure de l'archive pub. Et nous retournons cette fois en 1985 avec une pub totalement au hasard. Je vais sur Dailymotion pour retrouver cette publicité et c'est Max qui nous a ajouté cette page de publicité enregistrée le 3 janvier 1985 sur Antenne 2. Et là déjà, je vois des vaches, voilà, je vois des vaches, je vous le dis. Et qu'est-ce que je vois d'autre ? Eh bien, je vois de la lessive, je crois. Donc, vache plus lessive, je suis pas sûr que le mélange soit très bon. Mais en tout cas, voici cette publicité du 3 janvier 1985 sur Antenne 2. Douce France, chère aux mots de notre enfance, parce qu'on t'a fait confiance, on t'a gardé dans nos cœurs. De la tour Eiffel jusqu'au clocher d'un petit bout, t'as su rester au bout du jour pour nous mettre de bonne humeur. Oui, on t'aime, car avec toi pas de problème, tout est propre, notre blanc et nos couleurs. Douce France, cher aux mots de notre enfance, oui, grâce à ton expérience, on te gardera dans nos cœurs. Aux mots, en France, on y est fidèle. Voilà pour cette publicité pour la lessive Homo. Et oui, la lessive Homo. La marque, qui est un acronyme de Old Mother Hall, a été enregistrée en Angleterre en 1908, date de la création donc, puis au Canada, en Autriche et en France. Elle désigne donc tous les produits de ménage de cette marque. Alors la marque qui produit donc de la lessive et des détergents, sachez qu'elle a été en sommeil à un moment et a été réactivée en 1952 et lancée en France avec les caravanes publicitaires en octobre 1952 et donc repartie également à la fin de 1954, début de 1955 avec des slogans « Homo est là, la saleté s'en va » ou « Homo lave plus blanc que blanc ». Voilà, donc et puis donc petit à petit la marque s'est développée. Après une absence de quelques années, Homo est à nouveau disponible en Belgique depuis janvier 2015. Donc une marque qui s'en va, qui revient, voilà, petit à petit, et qui est actuellement la propriété du grand groupe, et je crois que j'aurais même dû dire du grand groupe Unilever. Voilà. Oh, vous avez vu cet accent? Attendez, je l'ai... Oh non, non, c'est pas possible. J'arrive à prononcer l'anglais. Unilever. Unilever. Non, ça c'était pas trop. Il y avait un mélange d'accent franc-comtois, comme je viens de prendre en disant accent franc-comtois, et d'anglais. Je suis pas sûr que le mélange soit très beau. Voilà pour cette archive pub, donc. Une nouvelle archive pub la semaine prochaine, bien sûr, dès samedi à 11h05. Il est 11h10 pour l'heure, et voici le Musicator 2000. Le Musicator 2000. Et comme d'habitude, je le fais en direct. Je vais sur une radio au hasard d'un autre pays. Alors, où vais-je aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Je vais cliquer sur tous les pays parce que j'ai pas d'inspiration là avec juste des continents. Allez, la Roumanie, ça c'est bien. Je vais aller en Roumanie et comme d'habitude, eh bien, nous écoutons une musique actuellement diffusée sur une radio d'un autre pays. Et aujourd'hui, je vous emmène sur Magic FM. Wouhouhou! Magic, c'est magique. La radio qui diffuse sûrement des musiques magiques. Je sais pas. En tout cas, Magic FM qui diffuse actuellement une musique de de Vanotech. Il s'agit de Back to Me, diffusé actuellement sur Magic FM, basé donc en Roumanie, et qui diffuse, oulala, qui diffuse un peu partout, hein, dans toute la Roumanie visiblement, parce que j'ai une grande liste de fréquences avec de nombreuses villes qui diffusent par exemple à Arad sur le 92.7, à Baco sur le 96, à Bistrita sur le 99.3. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste bien sûr, mais la musique actuellement diffusée sur cette radio, c'est Vanotech avec Back to Me sur que l'on écoute donc sur Radio Antigone, le Musicator 2000, une découverte musicale. Me. Don't be bad, don't hurt me. Listen to me when I say, I know what you did soul when you said you let go. Did you ever think of me? But it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, but it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, and I know the reason. Did you think that I won't see? But it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, but it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, I'm not a dog that all has ever been thought. Still wait patiently. Don't you come back to me. I'm not a dog that all has ever been thought. Still wait patiently. Come back to me. To me. No need to fall on your knees. I'm not a dog that all has ever been thought. Still wait patiently. Don't you come back to me. I'm not a dog that all has ever been thought. Still wait patiently. Come back to me. To me. Je crois que le micro n'était pas allumé. Nous venons donc d'écouter Vanotech avec, eh bien, du coup, je n'ai plus le titre sous la main. C'est très bien, Vanotech avec le titre Back to Me, et c'est avec NLE ce titre. J'ai fait une petite recherche, du coup, pendant la diffusion de ce titre qui est très sympathique. Je vous rappelle que c'était le Musicator 2000, une découverte musicale grâce à une musique actuellement diffusée sur une radio d'un autre pays. Et Vanotech, c'est un producteur de musique qui est roumain, voilà, donc pas étonnant qu'il soit diffusé sur une radio roumaine. Et donc, il produit de la musique, et cette musique a été, ce titre a été produit sûrement avec NLE, parce que je vois un petit feat NLE qui est sûrement la chanteuse. Désolé si j'écorche son nom, tout comme Vanotech, ça ne se prononce peut-être pas comme ça. Voilà pour le Musicator 2000, donc sur Radio Antigone. Qu'est-ce que je disais, il est déjà 11h16, mais oui, je papote, je radote, mais donc je perds du temps, bien sûr. Je vais avoir du mal à vous diffuser la musique, donc je vous décale la musique parce que je vous l'ai annoncé. Donc il faut bien, eh bien que je vous la diffuse, bien sûr. Foster the People arrive dans quelques instants, dans quelques minutes, ça sera juste avant le flash de 11h30. Pour l'instant, voici le programme télé. Radio Antigone, le programme télé. Et nous commençons par TF1 qui diffuse ce soir le film Seul sur masse, Seul sur Mars. Bah si vous êtes seul sur une masse, vous n'êtes pas seul, hein, normalement. Seul sur Mars, diffusé à partir de 21h05 sur TF1. Sur France 2, eh bien, le film 3 Billboards, le panneau de la vengeance, c'est également à partir de 21h05. Sur France 3, les enquêtes de Morse, avec l'épisode Oracle à 21h05 et à 22h35, l'épisode Innocence. Sur Canal+, vous avez du rugby, avec la 14e journée de Top 14 et le Stade français qui affronte Toulouse à partir de 21h05. Sur France 5 à 20h50, un magazine inédit, Les Escargots en bave, et c'est à 20h50. Sur M6, un nouveau numéro de Zone Interdite, Ni Fille ni Garçon, enquête sur un nouveau genre, et c'est donc à partir, je vous l'ai dit, de 21h05. Le numéro d'enquête exclusive qui suit est consacré au Salvador, au cœur de la guerre des gangs. Sur Arte, le film Arlington Road à partir de 20h55. Sur C8, Kingdom of Heaven à 21h05. Un film bien long, dis donc. Il dure 3h15, ce film. Donc, vous en avez jusqu'à minuit 20. Sur W9, à 21h05, le film Anti-Gang. TMC continue ses rediffusions de Cold Case Affaires Classées. Sur TFX, Le Témoin Amoureux. C'est un film et c'est à partir de 21h05. Un téléfilm vous est proposé sur NRJ 12. Il s'agit de La Loi du Tueur. Sur LCP, Public Sénat, comme tous les dimanches à 21h, Rambob Ina. Sur France 4, La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe avec Bruno Solo, et c'est à partir de 21h et un deuxième numéro à 22h45. Sur ces stars, la série Chicago Fire continue à partir de 21h. Sur Gulli, vous avez rendez-vous avec E égale M6 Family. On parle à la maison, toute la science et dans toutes les pièces, c'est le nom de ce numéro de E égale M6 Family. Sur TF1 Série Film, la série télé Killing Eve à partir de 21h et à 22h45, le film inédit Épouse et Serial Killer. Sur l'équipe, vous avez quoi? Vous avez de la NFL à partir de 19h et l'équipe du soir en direct à 22h52. Sur Sister, le film Don Seizing à 21h05. Sur RMC Story, plusieurs numéros de Faites Entrer l'Accusé. Sur RMC Découverte, le magazine inédit 3945, Le Sauvetage des Juifs de France. Et pour terminer, on termine avec Série 25. C'est un peu répétitif. Pour terminer, on termine avec cette fin de programme qui nous permet de terminer ce programme télé avec la fin des chaînes de la TNT. Voilà, c'est bon, j'ai dit assez de fin. Voilà, c'était le maximum que je pouvais faire pour dire que c'était la fin du programme télé. La série télé Une Femme d'Honneur est rediffusée donc sur Chérie 25 à partir de 21h05. Voilà pour ce programme télé. Puis sinon, n'oubliez pas qu'il y a la radio, il y a les services de streaming comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Salto. Et est-ce que j'en oublie? J'en oublie un, oui, j'oublie Disney+, et puis il y en a plein d'autres, bien sûr, même si la télé, c'est bien aussi, mais la radio est tout aussi bien avec la musique de Radio Antigone. Vous pouvez vous endormir rapidement, être prêt pour la journée du lundi qui est souvent compliquée. Bonne soirée, en tout cas, sur les chaînes de la TNT. Oula, faut que je parle, en fait. J'oublie que je suis à la radio et qu'il faut que je parle. Ouais, c'est le principe de la radio, Enzo. Il faut parler. Je crois que je parle un peu trop, d'ailleurs. Avant de parler économie et de parler du maïs, voici Foster the People. Call it what you want. C'est pas ça que je devais diffuser, d'ailleurs. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from my. Bonne matinée à l'écoute de Radio Antigone, Foster the People, à l'instant sur Radio Antigone. Call it what you want. You want, pardon. Aujourd'hui, l'économie. L'Argentine suspend ses exportations de maïs, une décision qui amplifie la hausse des cours de la céréale au plus haut depuis 6 ans et demi. Claire Fagest nous aide à comprendre plus facilement. Les cours du maïs continuent de flamber en ce début d'année. Les perturbations climatiques engendrées par la Niña ont réduit la production de cette céréale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Ukraine et en Amérique latine, au point que l'Argentine, troisième fournisseur mondial de maïs, a décidé de stopper ses exportations jusqu'à la fin du mois de février. Il s'agit pour les autorités de Buenos Aires de calmer l'inflation de l'alimentation animale pour les élevages argentins de porcs, de volailles et de bovins, et ne pas amputer davantage le budget des familles argentines. Cette interruption temporaire du commerce du maïs a désagréablement surpris la filière céréalière du pays sud-américain. Elle a aussi provoqué une nouvelle hausse des cours à la bourse des céréales de Chicago. La tonne de maïs vaut presque 5 dollars le boisseau, soit près de 200 dollars la tonne, un niveau inégalé depuis mai 2014. Il faut dire que la demande en cette céréale continue d'être très forte en Asie du Sud-Est et en Chine. L'Empire du Milieu devrait importer 16,5 millions de tonnes de maïs en 2020-2021, selon l'USDA, plus de deux fois plus que ce qu'elle a importé l'année précédente. Les stocks de fin de campagne aux États-Unis, principal fournisseur de la Chine, sont au plus bas depuis 7 ans. Les prix chinois de la céréale continuant de caracoler, étant donné les besoins pour les élevages porcins, le mouvement d'importation devrait se poursuivre en 2021 à un niveau soutenu, anticipe Standard & Poor's Global Platts. De quoi alimenter la hausse des cours mondiaux du maïs, d'autant qu'on attend la reprise de la consommation de biocarburants et donc d'éthanol, dont la fabrication absorbe 40% de la production de maïs des États-Unis, et que la consommation d'éthanol dans les gels hydroalcooliques devrait rester forte au moins jusqu'au troisième trimestre 2021 face au Covid. Merci beaucoup Claire Fagest de la rédaction économique de RFI. Le titre actuel. Allez, dans quelques minutes, nous allons faire un nouveau point sur l'actualité, sur la météo, après le dernier Jason Derulo, Love Not War. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. That girl on the trail, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we just make love, not war? Oh, I saw my problems with a check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. Too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Oh. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Try hard enough. Girl, we could work it like a 9-to-5, 5-5, whoa.

si ça veut bien démarrer, ce qui n'est pas le cas, puisque bien sûr le bouton ne fonctionne pas. Ziba! Ah, Ziba visiblement ne reconnaît pas son nom, est-ce que je le prononce mal? Peut-être que je dirais plus Ziba? Alors effectivement, ça fonctionne mieux, l'extrait est parti, sauf que c'est pas l'extrait de Ziba qui est parti, mais bien l'extrait d'Irene Cara avec Flashdance What a Feeling que nous écouterons sur Radio Antigone dans quelques minutes. Voilà, oui, bon, c'est pas le bon type qui est parti, vous en avez l'habitude avec moi. Et nous écouterons donc un titre tout récent, Ziba, je vais pas vous rechercher l'extrait parce qu'on va perdre du temps et que je n'ai pas le temps. Ziba, I Got You dans quelques minutes et Irene Cara, donc l'extrait que vous venez de pouvoir écouter, Flashdance What a Feeling, que nous écoutons, que nous écouterons en tant que classique de la case du week-end juste avant midi. Pour l'instant, eh bien, bienvenue, bonne matinée à notre écoute. Bon dimanche à tous, passez de bons moments avec votre famille. Les actus du numérique dans 3 minutes, juste après Island. Voici Ride, extrait de l'album de 2018. We ride. Oh, Delphine être à l'écoute de Radio Antigone. Et vous venez d'écouter... Ah bah mince. Eh ben j'ai cru que... j'ai bougé quelque chose, donc je n'ai plus le titre. Et comme j'ai une très mauvaise mémoire instantanée, vous venez d'écouter... Écoutez, oh là là, quelle catastrophe. Vous venez d'écouter Island avec Ride sur Radio Antigone. C'est la case du week-end qui continue avec les actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Et on parle télévision aujourd'hui, on va plus précisément du côté des télévisions de LG qui vont subir du côté pour les du côté. Pourquoi je dis encore du côté ? Pour les télévisions connectées sous WebOS, une prochaine mise à jour, la mise à jour 6.0 et une mise à jour également pour Magic Remote. Alors, quelles seront les nouveautés pour vous qui utilisez peut-être une télévision, une Smart TV LG ? Eh bien, tout d'abord, vous aurez une nouvelle page d'accueil principale, une page d'accueil qui, je le rappelle, permet d'accéder aux applications, mais qui offre également un accès à du contenu recommandé, comme des séries, des films et des informations. Comme la météo, par exemple. Vous pourrez facilement accéder également à des objets, au contrôle des objets connectés, comme les ampoules connectées. Cette nouvelle version introduit également une version améliorée de son Think AI, qui intègre une intégration plus native des commandes vocales. Vous aurez donc le choix entre Google Assistant ou Amazon Alexa. Cette nouvelle mise à jour inclura également Magic Explorer, un logiciel qui va pouvoir extraire du contenu associé sur les acteurs, les lieux ou les éléments d'intérêt lorsque vous regardez des émissions, des séries ou des films. Alors, par contre, sur la science-fiction, ça va être un peu plus compliqué, hein. Vous n'aurez pas les informations sur la planète Tatooine si vous regardez Minecraft. Pourquoi je pense à Minecraft ? Si vous regardez Star Wars, pardon, mais ça va pas. Je mélange tout. Vous n'aurez pas des informations sur Tatooine si vous regardez Star Wars, bien sûr, je pense. Alors, sachez que cette nouvelle version de WebOS, la version 6.0, ne sera sur tous les navigateurs, sur tous les nouveaux téléviseurs en 2021, mais on ne sait pas si cette version sera déployée sur tous les anciens téléviseurs LG. On ne sait pas pour l'instant. On verra. La Magic Remote, c'est une nouvelle télécommande que vous connaissez depuis quelques années. Elle n'a pas changé, mais elle va évoluer en 2021. Un changement esthétique et un changement technique, puisque la NFC va être dessus pour la première fois, qui va permettre de partager aux utilisateurs de partager du contenu d'un téléphone à un téléviseur et inversement, simplement en approchant les deux. C'est la même technologie qu'est-ce que je peux comparer ? La même technologie que ce qui vous permet d'avoir vos billets de métro, par exemple, depuis votre téléphone, vos tickets de métro sur le téléphone. Ça utilise la technologie NFC, souvent. Donc, ce que vous allez faire, c'est, par exemple, pouvoir regarder du contenu de votre smartphone sur votre téléviseur LG, simplement en approchant votre téléphone de la télévision. Et sur la télécommande, si vous voyez la petite photo, que bah, vous ne voyez pas parce que nous sommes à la radio, mais si vous allez chercher la photo de cette nouvelle LG Magic Remote, vous remarquez les logos de Netflix, de Disney+, de Prime Video et de Google Assistant Amazon et Amazon Alexa, donc les logos de ces entreprises, afin d'accéder très très rapidement à tous ces services. Voilà pour les nouveautés du côté de LG. LG, avec une petite révolution, pas forcément technique, mais plus logicielle cette année en 2021 pour LG, et donc la sortie de WebOS 6.0. Le titre actuel. C'est l'heure de s'écouter un titre diffusé actuellement sur toutes les radios nationales actuelles en ce moment. Voici Nathan Dwayne, Little Mix, No Time for Tears. Ah non, c'est pas ça. Hop, excusez-moi, sans l'écouter hier, j'ai encore le son d'hier. Qu'est-ce qu'on doit écouter ? On doit écouter Ziba là tout de suite. Oh là, quelle catastrophe. Dans quelques minutes, nous écouterons Irène Cara avec Flashdance. Nous allons écouter What a Feeling dans quelques instants, donc sur radio. Oh, oui, oula, j'ai failli dire quoi là. Je vais reprendre. Donc on va reprendre simplement. Voilà. On va remettre un petit jingle et on se repose. On repose la voix. Je vais essayer de réussir à faire des belles phrases. Le titre actuel. Voici donc un titre tout nouveau. Voici Ziba, I Got You. Avant les actus du sport. Ça va le faire. Hey, I've been missing you lately. Like a cold glass of water after a hot summer sun. Yeah, I know I might be crazy, but it's been so rough not having you around. Hello, bonjour, comment ça va? I've been lost on the road, but I still love you. I'll be back around forever on my knees. Hey, don't you ever forget to never get scared. Although I'm overseas, you're still the sun in my face, the breeze in my hair. I'll always be there. You're everything. Just wait for me. Hello, bonjour, comment ça va? I've been lost on the road, but I still love you. Sur Radio Antigone, dans la case du week-end. Voici les actes du sport. Et nous partons en Suisse pour du ski alpin. Et oui, il y a du ski alpin actuellement en Suisse. On est à Adelboden. Mais oui, bien sûr, Adelboden. Une belle course, un beau slalom homme. Pourquoi je dis beau? Eh bien, tout simplement parce que pour l'instant, pour des résultats non finaux, eh bien, deux Français sont sur les deux premières marches du podium. Eh bien oui, Clément Noël est pour l'instant premier, suivi à 41 centièmes de Victor Muffat-Jandé. Le troisième, c'est un Suisse, c'est Loïc Meillard. Pour les autres Français, on a Alexis Pinturault qui est 16e pour l'instant. Pour ce slalom, il y a encore, si je compte très rapidement, hop, il y a encore 8 participants, 8 skieurs qui doivent descendre la piste dans cette première manche du slalom d'Adelboden en Suisse. La deuxième manche sera à 13h30 heure locale. Bien voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un slalom femme du côté de Vaujany aujourd'hui. Voilà, je ne peux rien dire de plus. On va passer au biathlon avec tout d'abord les résultats de la poursuite d'hier et c'est Thierry Lecoff du côté des femmes qui a battu son adversaire Roiseland, sa compatriote norvégienne Roiseland. La troisième est Lisa Teresa Hauser, l'allemande, qui a terminé à 43 secondes. La première française, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, qui a, elle, terminé à 1 minute 22 la tête de la course. La deuxième française est Justine Brezaz-Boucher, 11e à quasiment 2 minutes. Du côté, eh bien, des femmes, c'est un peu mieux. Bon, c'est toujours compliqué. C'était compliqué sur cette étape de Coupe du Monde pour les Français. Mais Fabien Claude, le Vosgien, a terminé encore une fois au pied du podium à 30 secondes avec deux fautes lors du premier tir debout. Le deuxième Français est Simon Destieux qui termine 9e à 46 secondes. Aujourd'hui, eh bien, il y a des relais. Et oui, des relais mixtes. Deux femmes, deux hommes. Il débutera à 11h30, donc il a débuté, je crois, et oui, il a débuté. Et donc, je vous propose d'aller faire un petit tour en direct sur, eh bien, le classement actuellement, avec la France qui est pour l'instant leader, avec 12 secondes d'avance sur l'Allemagne. Et non, je n'ai plus les bons chronométrages. La France qui est donc, pardon, pour l'instant leader à 9 secondes de l'Allemagne. Et derrière, il y a les États-Unis suivis de la Norvège, pour l'instant 4e. La Suède est juste après. Et la République tchèque, 6e. Voilà, donc c'est plutôt bien parti pour ce relais mixte. Mais rien n'est fini, surtout pour un relais mixte. On a procédé au premier échange il y a quelques instants. Et là, c'est donc Justine Brezaz-Boucher qui s'est élancée. Le suivant, ça sera Fabien Claude. Et Quentin Fillon-Marié terminera cette course. Et tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la journée, eh bien, il y aura une autre course que je ne retrouve pas. Il y aura le single mixed relais. Eh bien, celui-là, je ne sais jamais comment il fonctionne. En tout cas, il est à 14h40. C'est un nouveau principe là qui est là que depuis un ou deux ans. Et du coup, j'ai toujours du mal à comprendre. Alors, c'est un sens un petit peu différent. Oui, voilà, c'est ça. Ça y est, je vais y arriver, je vais vous réexpliquer le principe très rapidement. Une femme, un garçon, c'est la femme qui s'élance suivie du garçon, et la femme qui reprend après les skis pour repartir une nouvelle fois, suivie du garçon qui retermine. Donc deux tours chacun, mais deux tours entrecoupés d'une pause. On passe au foot, puisqu'il y a eu plein de matchs hier. Et tout d'abord, Montpellier n'a pas réussi à battre Nantes. Match nul 1-1 hier pour cette 19e journée de Ligue 1. Nice n'a pas non plus réussi à battre Metz. Match nul également 1-1. Reims a battu Saint-Etienne 3-1. Le Paris Saint-Germain a écrasé Brest 3-0. Pareil pour Monaco qui a battu Angers avec le même score. Match nul du côté de Dijon et de Marseille, 0 partout. Strasbourg a battu Lens 1-0. Lille a battu Nîmes, c'est compliqué. 1-0 également. Match nul pour Rennes-Lyon, 2 partout. Et Bordeaux a battu Lorient 2-1. Aujourd'hui, eh bien non, pas aujourd'hui. Tous les matchs ont été faits, c'était la 19e journée de Ligue 1. Prochaine journée, c'est à partir de vendredi prochain, vendredi 15. Voilà pour ces actus du sport. Pas de changement du côté du classement du Vendée Globe. Je vous retrouve très rapidement. Le classement, c'est toujours Yannick Bestaven qui est premier. On entra tout de même un abandon hier soir. Il s'agit de l'abandon de... Attendez que je vous retrouve ça. Oh là là. Que c'est mal préparé. Vraiment très mal. Abandon de Isabelle Jocher hier soir suite à de nombreuses avaries. Voilà pour ces actus du sport qui ont duré quasiment 6 minutes. Oh là là, que j'ai papoté. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'informations, je trouve. Le classique de la case du week-end. Mais je vais être encore une fois en retard. Les actus des médias arrivent dans quelques instants. Les nouveautés de France Info TV en cette rentrée de janvier. Après Irène Cara. Flashdance, What a Feeling à l'instant sur la radio à Vif. C'était Irène Cara pour ce classique de la cave du week-end. Ça fait toujours du bien d'écouter ce titre, ouais, j'ai l'impression. Eh ben on l'a écouté, voilà, c'est fait. Et pour finir cette cave du week-end en beauté, on parle des médias et en plus de France Info. Radio Antigone. Les actus des médias. Ça se sent, hein, le manque d'inspiration, et que du coup je parle des sujets que je connais un minimum. Je vous emmène aujourd'hui sur France Info avec quelques changements du côté du canal 27 de France Info TV en cette rentrée de janvier, avec tout d'abord la suppression du 21 de la tranche 21h-23h présentée depuis la rentrée par Patrice Romden. Suppression et puis à la place y a pas grand chose, hein. Il y a une émission aussi quand même. De 21h à 22h, Alors on pense, une émission présentée par Patrice Romden, une émission un petit peu dans le style de l'info c'est clair, voilà, un débat, analyse et débat, surtout, décryptage de l'actualité, et puis après, eh bien, vous avez le magazine qui a été déplacé à 22h, les magazines qui changent chaque jour, vous le savez, le lundi, temps additionnel pour parler du sport, le jeudi, on a vrai ou fake, le décryptage, des fausses informations. Donc les magazines qui sont maintenant déplacés à 22h, et puis à 22h45, on a un petit vide avec les grands reportages de France Télévisions. Pas grand chose, hein. Voilà, on va vous le dire, ce sont des reportages, des rediffusions de reportages. Mais quand même, arrivés de nouveaux programmes pour le week-end. Voilà. Alors tout d'abord, on peut noter. Si je retrouve, parce que là, je vais encore être à court de temps, en fait. C'est catastrophique. Je suis une nouvelle fois à court de temps. avec le magazine Parigo qui arrive sur France Télévisions, sur France Info le week-end. Il était auparavant diffusé exclusivement sur France 3 Île-de-France, magazine consacré au transport en commun d'Île-de-France, et puis un autre magazine sur les livres qui arrive également sur France Info le week-end. Voilà, je suis totalement en retard. C'était donc la case du week-end. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec moi sur Radio Antigone, et à la semaine prochaine. Voici le Radio Antigone Midi. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.